Vous pensez que Powerman, c'est une agence d'intérim. Pour vous, Harlem, c'est une équipe de basket qui parcourt le monde et vous ne supportez pas d'avoir de l'aide de quelqu'un du coin. Montez le volume de votre radio, soyez attentifs pendant l'heure qui suit, vous allez apprendre des trucs. Vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier sur le 102.2 FM et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics. Aujourd'hui, nous sommes en équipe réduite puisque est-ce qu'on fait une minute de silence pour Gilles qui n'a pas pu venir ? On pense très fort à lui en tout cas. Non. Et il est absent toujours tard. D'accord. Gilles et Tom en plus, les deux. Ouais. Et vous les avez entendus, je suis avec Max. Salut Max. Salut James. Et je suis avec Mathieu. Salut James. Oui. Et moi c'est James, voilà, vous l'aurez compris. Du coup, on va passer directement aux news et on est parti. C'est les news ? Et il est super notre générique, il est ouf. Alors, bon, j'ai commencé tout de suite avec Sony qui met en scène l'univers Valiant au cinéma. Donc Valiant, on vous en a déjà parlé dans les podcasts, pas en émission encore, peut-être qu'on en parlera quand un truc va sortir. Donc Valiant, c'est un autre éditeur, donc un autre univers plutôt que Marvel et DC. Et c'est Sony qui avait avant la licence de Spider-Man qui va reprendre cet univers et qui va sortir a priori deux films. Donc un film qui s'appellera Heartbreaker. Donc il parlera d'un héros qui s'appelle Heartbreaker, comme c'est étonnant, et c'est un héros qui a développé des pouvoirs psychiques, et à côté il y aura un autre film qui se développera après, qui va s'appeler Bloodshot, et c'est encore un héros qui s'appelle Bloodshot, et c'est une espèce d'anti-héros qui a doté d'une technologie qui le rend pratiquement invulnérable. Donc moi ça me hype bien, un nouvel univers partagé au cinéma, donc pourquoi pas, faut qu'il le fasse bien. Est-ce que vous êtes autour de la table, vous êtes... C'est vrai que Valiant, en France, on connaît quand même beaucoup, beaucoup moins. Ça fait partie de ces assez vieux éditeurs aux États-Unis. Et je monte le micro. Et qui, par contre, effectivement, là-bas, ils ont eu une grosse période de creux. Ils sont revenus aux comics il n'y a pas très, très longtemps que ça. Mais ils ont rebooté il n'y a pas trop longtemps. Ouais. Il y a Bliss Comics, un petit éditeur bordelais qui a récupéré la licence. Exactement. Et qui en parle du coup. Donc après, pourquoi pas, Sony, ils ont visiblement perdu la franchise, enfin pas perdu la franchise, ils l'ont prêté. Mais ils la partagent. En ce moment, le comics, c'est bankable, hein, donc pourquoi pas, oui, ça peut être un peu frais, un peu nouveau. Ouais. Et toi, Max, est-ce que ça te hype un peu ? Moi, je suis pas très fan des comics, j'avais lu les tiens que tu m'avais prêté dans notre voyage Montpellier-Paris. Et en fait, moi, je trouve pas ça super. Mais c'est un univers beaucoup plus mature, c'est beaucoup plus violent, il y a des. C'est des thématiques beaucoup plus matures que les DC et Marvel. Donc pourquoi plus pas. Mature, je sais pas, mais moins intéressant certainement. On va passer à une autre news tout de suite. Et c'est Mathieu qui va nous parler. D'une tournée d'une triplette d'artistes en France. Alors les éditeurs de comics en France souvent arrivent à faire venir des artistes américains pour faire des tournées dans des librairies. Et c'est le cas d'Urban Comics qui va faire venir en octobre trois artistes. Brian K. Vaughan, qui est un scénariste américain qui est maintenant assez très très connu. Qui est très connu surtout parce qu'il a bossé sur des séries télé comme Under the Dome et Lost. Et Lost, oui, entre autres. Et au niveau comics, il a fait Y, le dernier homme, I, the last man, qui raconte l'histoire du dernier homme sur Terre, entouré de femmes, très très bien. Et il a fait aussi Ex Machina, qui est un très bon comics de super-héros. Et en ce moment, Saga, effectivement, le tome 6 sort d'ailleurs ce mois-ci. Et donc c'est quand même un grand bonhomme du monde des comics en termes de scénario. Il est accompagné de Fiona Staples, qui est la dessinatrice de Saga. Saga, qui est un comics assez difficile à décrire, mais qui peut être un bon point d'entrée. C'est l'histoire. C'est un peu du franco-belge. Enfin, c'est pas loin. C'est un peu du franco-belge. Ouais, c'est une épopée un peu fantastique. Voilà. Voilà, c'est l'histoire d'un jeune papa et une jeune maman qui se trouvent appartenir à deux espèces différentes qui sont en guerre depuis très longtemps. C'est très SF. C'est paradoxal parce que c'est très SF, c'est très exotique. Il y a une nounou fantôme coupée en deux, il y a un petit éleveur de gros morses, il y a des robots avec des têtes de télé, enfin c'est assez what the fuck. Mais moi ce que j'aime beaucoup dans ce comic, c'est que derrière il y a des thématiques qui sont très très très terre à terre. C'est le fait d'être jeune père, le fait d'élever un enfant, le fait de rencontrer la belle famille, enfin c'est assez paradoxal et ça marche plutôt bien en fait, le mélange des deux. C'est un gros titre de l'image qu'ils en ont vendu c'est le titre le plus vendu de Walking Dead. Non, c'est devant Walking Dead, oui. Avec les TPB et le respect et le single, c'est devant Walking Dead. Ok. Donc les, vous aurez les deux scénaristes et dessinatrices, ouais. et ils sont accompagnés de Cliff Chiang, qui est un dessinateur américain, qui a été connu peut-être prioritairement pour avoir fait du Wonder Woman scénarisé par Brian Azzarello lors du relaunch de DC, un Wonder Woman qui était très très mythologique, très épique. Et là, il sera surtout en tournée pour son comics Paper Girl, c'est l'autre que j'ai pas lu. Et donc du coup, j'ai pas lu, je peux pas vous en parler. Et donc ils seront. Vraiment, c'est vachement bien. Il a eu plein de prix. Il a gagné beaucoup de choses. Ouais. Et dans la région, hélas, ils sont pas sur Montpellier, ils sont sur Toulouse le jeudi 20 octobre, à la librairie BT Ciné. Et si vous êtes motivé, il faut partir un peu plus loin parce que ça sera Nancy, Angers et Le Mans. Et pour le coup, c'est quand même trois auteurs assez majeurs du comics américain. C'est très bien ce qu'a fait Urban. Ça a pas raté. Ouais. Ah ouais. Oui, c'est, si vous êtes un amateur. C'est vraiment fou comme d'avoir des artistes aussi importants en dehors de conventions. C'est vraiment génial. Oui, ouais, c'est assez exceptionnel. Donc merci Urban de nous faire participer, du moins pour ceux qui iront, de faire participer à Est-ce que tu veux que je rappelle vite fait les dates et les. Oui. Alors, la première, c'est le mardi 18 octobre à Besançon, à BD Cadre et BD Fugue. Le mercredi 19 à Nancy, et c'est chez La Parenthèse. Le jeudi 20 à Toulouse, à BD Ciné. À Angers, au Repère des Héros, le matin du vendredi. Et pour finir, le samedi 22 à Mans, à la librairie Bulle. Donc voilà, vous aurez. Là, contrairement à la dernière fois, j'avais les infos, donc je peux les donner. On va passer à une autre news. Vous êtes tous d'accord? Allez. Et c'est Max qui va nous parler d'une série que beaucoup de monde attend. Je vais vous parler de la Master Race. Pas ceux qui ont des PC, ceux qui viennent des Krypton. D'accord, vas-y. Dans les années 80, il y a un des titres un peu majeurs chez Batman qui a une ligne assez sombre, c'est The Dark Knight Returns, où on parle de Batman qui reprend la cape après 20 années, il a à peu près 50 ans, et il manque quelques cases, et il faut pas le faire chier, dès que tu le fais chier, il te met un bon coup de pied. Il est un peu devenu fasciste. C'est un peu le Batman fasciste, il met des coups de pied dans la gueule à tous ceux qui sont pas contents, un peu comme Chuck Norris d'ailleurs. Et quelques années après, 2001, après, c'est parce que... Oui, c'est 2001. Oui, début 2001. Début 2001, après les événements du 11 septembre, Frank Miller se lance dans un récit, dans une suite, Dark Knight Returns. Strike Again. Non, Dark Knight Returns, c'est le premier, et le deuxième, c'est Dark Knight Strike Again. Voilà, donc il se lance une suite à Dark Knight Strike Again. Dark Knight Returns, pardon. Et en fait, c'est un récit vraiment indispensable et moyen. Je l'ai pas lu, moi. Oui, alors en plus, autant dans le premier, c'est Frank Miller, c'est lui qui scénarise et qui dessine. Dans le premier, il est ancré par Klaus Jansson, je crois. C'est assez acceptable. Dans le deuxième, il s'ancre tout seul et il fatigue. Moi, je trouve, c'est quand même moins beau. Et comme dit Max, c'est assez dispensable. Le message passe moins. Ça ressent plus, effectivement, une réponse très bourrine. Ouais, c'est vraiment le côté pro-America, NRA et... Fuck yeah. Pour la petite histoire, Frank Miller, c'est un mec qui est très très bas du front et qui est très très fasciste sur les bords, on peut le dire. Ouais, il a fait son coming out extrême droite il n'y a pas très longtemps. Il avait voulu faire un comics que Batman se bat contre Ben Laden. Ils sont sortis au littéraire parce qu'en fait, il est allé voir DC en disant je veux faire Batman contre Ben Laden. Et DC leur a dit DC qui est un éditeur très très strict et très très. Autant Marvel. Ils sont un peu plus foufous. Autant d'ici, c'est vraiment très conservateur. Tu peux rétrograde, ouais. Et là, ils l'ont dit, va te faire enculer. Et du coup, il a dit, je le sors quand même, je m'en fous. Et c'est Holy Terror, qui est un titre qui est encore plus dispensable, je pense. Après, c'est un grand bonhomme du comics, malgré ses opinions politiques. Mais là, je reconnais que sur la fin, il s'est peut-être pas... Hein. Mais je pense que si on a un truc à lire de lui, c'est pas... On s'en dort de ça pour dire, messieurs. Oui, que, voilà. il a sorti là début fin 2015 un comics qui s'appelle The Dark Knight The Master Race, qui parle du retour des Kryptoniens sur Terre et comment Batman va leur défoncer la gueule. On peut appeler Batman J'ai besoin d'argent. Parce que à mon avis il a dû avoir un gros chef. Après, à savoir que du coup là il est pas vraiment il est encadré par Brian Azzarello et Kubert, il me semble. Andy Kubert, donc tu devrais aimer. Ah non, moi, t'aimes Adam Kubert. Adam Kubert. Ouais. Ils sont beaucoup dans la famille Kubert. Il y a Joe Kubert aussi. Mais je crois que c'était pas ça la news que tu voulais dire. Non, enfin. Laisse-moi finir ma news, s'il te plaît. Parce que tu as lu le conducteur, tu sais de quoi je vais parler. Mais... Et donc, en fait, sachez que du coup, ce Batman Master Race qui devait faire 8 numéros, on fera finalement 9. Pour moi, c'est un petit coup de gueule parce que du coup, en France, on est assez mal lotis. Parce que du coup, Urban sort des recueils de 2 épisodes à 15 euros. Ah donc, oui, c'est ça que j'ai acheté. Ça commence à douiller. Et voilà, et puis après... voilà. C'était un beau plan. Merci. C'était un coup de rire. Et mais si vous voulez suivre, sachez que bah, le numéro 6 va sortir en octobre, là, avec 4 mois de retard. Donc vous pouvez attendre, je pense, pour avoir votre intégrale de Dark Knight. Ouais, payez pas 15€. Faites pas ce que j'ai fait, en tout cas. C'est ça. Bon, bah, on a encore un peu de temps. Est-ce que Max, t'as vu une autre petite news, je crois? Oui, parce que alors, il faut savoir que. On a un jingle, est-ce que tu peux laisser le jingle? Excuse-moi. Petit jingle. Vas-y. Il faut savoir que Mathieu a les yeux rouges parce qu'il a pleuré tout le week-end. Sans doute. Il ne sait pas encore. Tu vas pleurer. Est-ce que moi j'ai pas lu le fil conducteur. Voilà. Comme peut-être vous le saviez, vendredi dernier, nous étions le Force Friday. Non, tu ne savais pas. Explique ce que c'est. Si vous voulez, c'est tous les ans à peu près à cette période, Disney et Lucasfilm. Ah, okay. Moi je suis plus sur le 4 mai. Voilà. Qui est vraiment le jour Star Wars, pardon. Lance leur collection de jouets pour toute l'année. Donc il y a du Lego, il y a du Pop, il y a du Mattel, il y a du Hasbro, enfin il y a un peu tout ce que vous voulez. Et deux seuls petits pays ont été privés de ce joli festival. Vous avez pas pu acheter vos jouets. Et c'est la Belgique et la France. Du coup, là pour l'instant, il n'y a pas de jouets Star Wars de la nouvelle gamme Rogue One qui sont sortis. Et voilà, c'est notamment les Dark Series que petite dédicace à Faye, ma chérie, qui pleure elle parce qu'elle voulait absolument avoir Jyn Erso en Black Series et elle est pas disponible partout, même sur Amazon ils l'ont pas, donc. Et ils ont donné une raison ou on est juste des gros nazes? Si, c'est parce que il y a des mecs qui ont sorti les en France et en Belgique, apparemment il y a des boîtes qui ont sorti les jouets avant. Ah. Et du coup tout le monde est puni à cause de ça. Voilà. On a les noms de ces mecs-là ou... Tu peux aller les frapper si tu veux. Je te donnerai les tableau avec ça, avec les noms, les adresses et les codes postales si tu veux. Formidable, on y va après l'émission. Ouais, exactement. Coup de sabre laser en plastique. On a encore peu de temps, donc je vais faire ma news qu'on ne voulait pas faire, mais on va la faire quand même. Petit jingle. Et moi, je vais vous parler de Wonder Woman et de son scénariste, enfin, un nouveau scénariste, Greg Rucka, qui est actuellement sur la série, et qui a eu répondu à une petite interview, parce que, apparemment, j'ai pas encore lu le run, donc apparemment, dans ce nouveau run, il y a pas mal de sous-entendus comme quoi elle aurait eu des relations avec des demoiselles. Donc, est-ce que Wonder Woman serait gay, est-ce qu'elle ne serait pas gay? Et il a répondu à la question que non, elle n'est pas gay. Selon lui, les personnages de Themyscira, donc pour les gens qui ne sauraient pas qui est Wonder Woman c'est quelqu'un qui vient d'une île qui s'appelle Themyscira, et dans Themyscira c'est l'île des Amazones et il n'y a que des femmes, donc voilà. Forcément, si tu veux avoir des relations exactement. Donc il a dit qu'elle n'était pas gay, mais que à Themyscira les Amazones en fait elles n'avaient pas ce genre de considération que nous on aurait pour la sexualité, que on pouvait avoir des relations amoureuses avec tout le monde. Donc selon lui, elle est queer, hein, puisque c'est apparemment le terme qu'il faut utiliser. Donc maintenant vous pourrez dire à vos amis en soirée, ah tu sais que Wonder Woman elle est gay, tout ça, voilà. C'était, ouais, en fait on aurait pas dû la faire cette news, elle était nulle, c'est pas grave. Surtout qu'en plus c'était à peu près déjà amené dans le précédent arc, la guerre de Darkseid, où t'es en train de me saouler parce que je l'ai pas eu en entier. Pour pitcher le truc, il y a une méchante qui arrive et il est sous-entendu qu'elle a eu des relations avec Wonder Woman et qu'il y a eu peut-être un... Faut que je relise ça, un rapprochement assez intense et sexuel. Ah, c'était okay. Très racoleur, c'est scandaleux. Voilà. Exactement. C'est juste pour avoir des likes. Et ben on va passer à la première pause musicale et on va s'écouter Dap Walk de Ernie on the Top, et peut-être que vous l'aurez compris, comme on est dans une émission spéciale Luke Cage, on l'a pas encore dit, on va vous parler de la série Luke Cage, ça va être que des sons tirés de la série Luke Cage. Donc c'est parti pour Ernie and the Top. Hey get up brothers, don't sit there with your head hanging down. Hey get up brothers, I know the ghetto have got you down. But there's something I want to say to you. Hey, get up, brothers. Do any dance that's groovy to you. Yeah, man. We'll be right back. wheelchair and bring the fine sister with you too. Get out on the floor and show me what you can do. Et c'était Ernie and the Top et Dapwalk. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier sur le 102.2. C'est toujours Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le comics. Et ce week-end, nous avons travaillé pour vous. Sachez que les messieurs qui sont autour de la table avec moi ont dû se sacrifier pour regarder en avant-première. Enfin, est-ce que tu as reçu ma feuille d'heure sup? Non, pas encore. Je le ferai après. Pour regarder Luke Cage, la série Netflix. Et est-ce que ça vous a pris du temps? Vous êtes allé jusqu'à quel épisode? 13, le dernier. J'ai pas eu de vie sociale pendant 3 jours, merci James. Alors comme on est déjà organisé... On avait dit on va jusqu'à l'épisode 2 et on fait l'émission. Je suis allé jusqu'à l'épisode 2. Et t'as regardé un bout du 3. Et hier dans la panique, j'ai regardé une demi-heure du 3. Dans la panique. Donc moi j'ai fait comme Mathieu, j'ai regardé jusqu'au bout. J'ai pas pu lâcher le show jusqu'au bout, j'étais vraiment fan. Donc moi je vais vous faire un petit point, un petit topo sur Luke Cage dans les comics, pour vous rappeler qui est le personnage. Et après Maxime nous parlera, t'as préparé le scénario comme on avait scénario, dit dans le conducteur. Exactement, oui. Et après ce sera Mathieu qui va nous parler de la réale de l'épisode, enfin des épisodes. Et en conclusion, on essaiera de vous donner vite fait, sans vous spoiler, on va essayer de spoiler le moins possible. Du coup, notre avis à tous les deux, du coup, sur oui, ouais, voilà. Sur l'intégralité voilà, donc moi, de la série. Pas, voilà. Non, oui, bah, t'avais qu'à regarder tous les épisodes en même temps. T'avais qu'à pas avoir de vie sociale. Donc, alors, Luke Cage ou Power Man pour les intimes, c'est un personnage de chez Marvel Comics qui a été créé en 1972 pour surfer sur la vague de la Bloxploitation. Est-ce que tu peux... Non, non, pas du tout, je sais pas ce que je dis. Non, moi, je absolument pas. La Bloxploitation, ça te... Non, c'est effectivement une période du cinéma américain où ils avaient blackisé un peu énormément de productions comme ça autour du Black Power, entre guillemets. Ça va de très peu que j'ai pu voir de choses très correctes comme Shaft, qui est l'un des héros assez emblématiques, jusqu'à des machins un peu plus chelous comme Blackula, qui est un Dracula noir, vous voyez le concept, pourquoi pas. En fait, ils prennent plein de styles de films et ils mettent des blacks à la place. Et est-ce que Le Chevalier Noir, c'est aussi un film de black? Ils ont fait Le Chevalier Noir, mais du coup, on n'a pas trop vu de différence. Après, là, moi, la seule grosse référence que j'ai, c'est peut-être l'hommage qu'on a fait Quentin Tarantino avec Jackie Brown. Avec Jackie Brown, oui. C'était un gros, gros hommage à la Bloxploitation. Donc, voilà, il voulait surfer sur cette vague. Et en fait, Luke Cage, il a été créé par le scénariste Archie Goodwin et par le seul talent de sa famille, John Romita Senior. Voilà, c'est une petite privée. John Romita Senior a un joli petit trait de crayon qui est pas mal sur les visages. Et il fait des jolis visages carrés avec plein de... Le senior ou le junior, oui. Voilà, faut juste finir le travail derrière. Ce monsieur a un fils qui dessine très mal et qui est chez DC. Pendant que Maxime essaie de faire la chasse aux moustiques, on est envahi par les moustiques, on n'aurait pas à se faire piquer. Donc c'est le premier personnage afro-américain à avoir eu sa propre série. Ça c'est quand même cool pour le souligner. Oui, historiquement, oui. Et en autre petite anecdote, vous connaissez tous, est-ce que vous connaissez Nicolas Cage? Et ben en fait, hélas, il s'appelle pas vraiment Nicolas Cage et j'ai complètement perdu le nom. En fait, c'est quoi son nom en vrai? Putain. Il s'appellera Jean-Louis David pour les besoins. Ouais, non, c'est pas Jean-Louis David. C'est le nom d'un réel en fait, parce qu'il son oncle est réalisateur et il voulait pas avoir le même nom. Et j'ai complètement zappé le nom. Putain, merde. C'est le mec qui a fait Le Parrain. Bon bah, Jean-Louis David. Jean-Louis David. Non, parce que c'est pas Scorsese ce qu'a fait Le Parrain. Attends, putain, j'ai pas vu. vachement. Oh, et elle est où la caution cinéma là, Gilles, est... Ouais, Gilles n'est pas là, donc il pourrait pas dire. Gilles, tu peux nous envoyer un tweet pour nous dire qui. Dépêche-toi, on a l'air idiot. Exactement. Voilà. Parce que ça serait pas Coppola. Voilà. Ah, il s'appelle Nicolas Coppola, enfin Nicolas Coppola, et il s'est dit ah, j'ai pas envie qu'on dise que je fais ce. Et voilà, j'ai ma chérie qui m'envoie Coppola en texto pour me dire. Voilà. Coppola crétin, il y a marqué. Voilà, merci beaucoup. Voilà, il a choisi, parce qu'il aimait bien le Cage, donc il a choisi de s'appeler Nicolas Cage. C'était une petite anecdote complètement inutile qui nous a fait galérer pour rien. Donc moi, je vais pas vous raconter l'origin story du personnage, parce qu'en fait, la série colle beaucoup à cette origin story, donc ce serait un peu vous spoiler, donc on va vous la garder pour quand vous aurez vu la série. Mais sachez qu'il a obtenu ses pouvoirs, donc il a une super force, une force surhumaine, et il a aussi une peau invulnérable pratiquement, et en fait c'était grâce à des expériences un peu douteuses, et aussi il a une capacité de guérison beaucoup plus forte. Donc voilà, c'était un personnage assez random, on va dire, au niveau c'est des un peu pouvoirs un second couteau de Marvel dans les events. Ouais Oui, voilà, entre guillemets, le gros intérêt du perso, effectivement, c'est que c'était le premier super-héros afro-américain. Sinon, effectivement, à part quelques séries, il a eu une carrière en pointillé. Il a c'est ce que j'étais en train de... J'allais vous dire. D'accord, il est surtout connu pour avoir dirigé les Heroes for Hire. C'est une agence où, en fait, où il y avait des gens avec des super-pouvoirs qui louaient leurs services à d'autres personnes. Et c'est notamment un truc où il a fait connaissance avec Iron Fist. Et en fait, il a eu une grosse période avec Iron Fist où il avait une série avec lui. D'ailleurs, la série, c'était une des premières séries... Luke Cage et Iron Fist, une des premières séries où un scénariste black a pu écrire. Donc c'est quand même assez cool. Après, tu peux, depuis quelques temps aussi, la lumière est un peu faite autour de Power Man, Iron Fist, et un peu les, entre guillemets, les seconds couteaux de chez Marvel. Mais c'est l'aspect street, en fait. Voilà, c'est l'aspect street, et en plus, ils ont un dessin animé, entre guillemets, à eux. Ah ouais ? Oui, puisque du coup, il y a Ultimate Spider-Man, où ils sont dedans. Et en fait, il y a une équipe... Spider-Man a une équipe où il y a Nova, Tigre Blanc, ah oui, Iron Fist et Powerman. Il y a Powerman dedans. Ah oui, c'est vrai qu'il est dedans, oui, c'est vrai. Il a son joli t-shirt jaune. Ouais, il a son vieux costume qui est très... D'ailleurs, pour les gens qui ont vu la série, il y a un super historique, un clin d'œil à ça qui est vraiment génial. Donc, dans l'univers de Netflix et du MCU, parce qu'on peut les coller, il est apparu dans la série de Jessica Jones, avec qui il est marié dans les comics. Et en fait, la détective Jessica Jones faisait une fixation sur le personnage, et elle le stalkait pendant des heures et des heures. Et après, ils se sont, dans la série, qu'on va essayer de pas vous spoiler aussi, ils se sont appris à se connaître, et après ils se sont battus ensemble, tout ça. Donc voilà, on apprend à le connaître. Par contre, un petit truc que je tenais à dire avant qu'on passe au scénario, c'est que si c'était pas vraiment nécessaire de voir Daredevil pour comprendre Jessica Jones, à mon avis, c'est vraiment un plus d'avoir vu Jessica Jones pour regarder la série Luke Cage. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Mathieu. Pas. Il y a beaucoup de trucs qui en découlent et tout. Pas totalement. Oui, à la limite, j'ai envie de te dire, tu lis peut-être les. Il y a un personnage du coin. Oui, ouais, oui. Après, il y a un fil rouge qui apparaît dans quasiment le fameux fil rouge, ce famous one. Mais. Globalement, elle est quand même assez construite, je trouve, pour être standalone. Ouais, c'est un peu un standalone, je trouve. Ouais, c'est un. C'est un univers partagé, donc effectivement, à un moment donné, tous ces personnages devraient se retrouver dans une série. Oui, il va y avoir Defenders. Voilà, les Defenders, ils vont tous se retrouver. Merci de m'avoir spoilé ma conclusion. D'accord. Ah, mais en même temps, si on me donne rien à lire, moi je brode, hein, je suis en impro total, je suis en roue libre. Et bon, on va passer. C'est toi qui faisais le scénario. Non, je suis perdu. C'est Max qui faisait le scénario. On va passer au scénario. Allez, on passe au scénario. Du coup, comme tu le disais dans ta jolie introduction, parce que du coup, on écrit les choses, on fait les choses bien. Ouais. La série se passe donc après les événements de Jessica Jones. Et en même temps que Daredevil, je crois. Et après Daredevil. Ah ouais ? Oui, parce que du coup... Oui, il y a une référence dans la série à un moment donné sur un espèce de taré qui fout le boxon à El Kitchen. A priori, c'est le Punisher. Voilà, donc. Mais moi, j'avais entendu dire que c'est pour. Enfin, que. Je sais plus qui c'est qui disait ça, que ça se passait un peu en même temps. Enfin, que c'était un peu croisé, en fait. C'est un peu croisé, mais Luke Cage a quand même une. Par déduction, une. Postériorité. Oui, une postériorité. Parce que du coup, ça se passe après Jessica Jones, et Jessica Jones se pense à peu près en même temps aussi que Daredevil saison 2. Mais je crois que c'est tout. En fait, ils s'entrecroisent tous, ouais. Voilà. Donc. Luke Cage, suite à la fin des événements de Jessica Jones, a tout perdu. Il avait un bar qu'il a perdu, qui a littéralement explosé. Et en fait, il réalise des petits boulots afin de de subvenir à ses besoins. Il travaille dans un salon de coiffure, en fait. Chez Pop, c'est un peu le café du coin. Moi, au lycée, j'avais un bistrot qui s'appelait le bistrot du marché. On était tous là après les cours. Est-ce qu'il y avait un mec qui te donnait des leçons de vie Oui. Avec qui tu jouais aux échecs? Oui. Il s'appelait comment? Il s'appelait Lionel Brier. D'accord. Pardon. Ce salon de coiffure est un peu, du coup, c'est le havre de paix du quartier. Et c'est aussi à la fois une zone de trêve, parce que du coup, dans Harlem, il y a plusieurs communautés qui interagissent entre elles. Il y a les hispaniques, et après, il y a les noirs. Je sais pas si c'est très... Les blacks, ouais. Ouais, les blacks de Cottonmouth. Suite à un événement qui arrive à la fin de l'épisode 1, donc que je ne vais pas spoiler... Putain, Tout le statu quo est un peu redistribué, et en fait l'épisode 2 commence sur l'amorçage d'une guerre des gangs, où les hispaniques vont essayer de prendre du pouvoir, et où tout le monde va devoir essayer un peu de trouver sa place, où Luke Cage va devoir sortir un peu de son anonymat pour être le sauveur de Harlem. Parce qu'on l'a pas dit, ça se passe à Harlem. Voilà, ça se passe à Harlem. Harlem est vraiment un personnage entièrement de voilà, la série. Voilà, comme Elle Christian était un personnage. Mais un peu plus, je trouve. Même mieux, je trouve, effectivement. Ouais, là, j'avais tendance à reprocher à Daredevil. Alors, Daredevil, c'est les défenseurs du quartier d'Hell's Kitchen. Tout comme Batman peut être à Gotham, par exemple, quelque chose comme ça. Et justement, j'avais trouvé que le quartier n'était pas forcément bien. Mais il est souvent dans, il se bat souvent de nuit. Et... Alors que là, on voit pas grand chose. Alors que là, vraiment, on voit Harlem, on voit les gens de Harlem et tout. Oui, puis il y a aussi souvent de nuit. Ouais, mais visiblement, il y a deux trois lieux qu'on retrouve. Et puis derrière, le. Il y a beaucoup plus de personnages aussi. Le sujet de la série, c'est vraiment Harlem, de devenir d'Harlem. Il y a un petit peu de politique. Enfin, pour le coup, là, c'est un des points positifs de la série, c'est que vraiment Harlem est quasiment un personnage à part entière. À côté de cette guerre de gang, il y a. Je sais pas si ça tombe à l'eau, donc je veux pas. Il y a un mystérieux projet de Maria, qui est la cousine du grand vilain. Ah oui, mais c'est lié en fait. Et qui est du coup de, entre guillemets, de rendre Harlem au noir. Enfin, pour moi, là, oui, c'est ce qu'elle a dit. Ouais, voilà, elle le décrit comme ça, et elle dit qu'en fait, il faut que les Afro-Américains doivent rester entre eux, et ils doivent virer les autres minorités ethniques. Genre, je sais qu'à un moment, ils font du. Ça a l'air un peu fasciste comme ça, dit comme ça. Ouais, c'est peut-être un petit peu plus. Ouais, plus subtil. L'épisode 2, il est encore frais dans ma tête. Et ça se passe comme ça. Genre, ils vont tabasser les Chinois. Et genre, ils veulent défoncer des Hispaniques. Hein. D'accord. Je l'ai pas vu comme ça, mais. Bah après, c'est le discours politique d'un personnage. Donc ouais, le personnage est vachement corrompu. C'est son positionnement à ce moment-là électoral, quoi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, celle qui joue donc Maria, qui est l'associée du vilain, elle est dans Civil War. Ah oui, elle fait mais en fait, elle fait pas du tout le même personnage. Elle fait la meuf qui va voir Tony Stark au début du film en disant ouais, mon fils il est mort, mais c'est pas du tout le même personnage. Je crois qu'elle a le même nom, elle s'appelle Maria aussi. Bah, du coup, je me demande si c'est pas. Si c'est pas lié. Connaissant Kevin Feige, le grand Manitou du MCU. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. C'est Quesada qui chapeaute un peu. Qui est un peu showrunner. Enfin, il a pas ce titre là, mais il gère un peu tout le côté Netflix, les séries Netflix. Il avait dit qu'il y aurait pas de lien entre les séries. Et d'ailleurs. Et les films. Sur Twitter, il y a eu un petit. Enfin, les gens de ma timeline Twitter sont un peu anti-Luke Cage. Ah ouais, toi. Et du coup, il y a plein de. Moi, j'ai vu que des gens qui étaient contents de la série. De petits soucis qui sont sortis, c'est que on parle jamais vraiment des Avengers. Si, mais il y a plein de. J'y viens. Vas-y. Genre, pour donner un exemple, on parle du monstre vert, on dit jamais Hulk. Oui, les noms sont jamais dits. Oui, si Captain America, peut-être. Ouais, de ce que j'ai lu sur Twitter dans l'épisode 11, il y a un Captain America qui est nommé comme ça, mais il n'y a jamais de réel. Ouais, mais dans Daredevil et Jessica Jones, c'est la même chose. Moi, ça, à la limite, ça me dérange pas parce que c'est les gens de la rue qui en parlent. Ils connaissent pas les noms. Comme ils ont vu aux infos. Ouais, après, c'est dans mon développement tout ça, mais je me dis, comment tu fais Civil War ou même Avengers 2 où tout le monde connaît Ultron, tout ce qui s'est passé là, Sokovie, tout ça. Oui, mais ils connaissent Ultron, mais ils ont pas. Ah si, parce qu'il a terminé à la télé. Ouais. Et comment tu parles pas de Hulk, surtout que dans les bandeaux de Age of Ultron, il y a marqué Hulk détruit une ville d'Afrique du Sud. Ça, c'est une news qui a fait le. Oui, mais c'est dans le parler de la rue, des gens qui parlent entre eux. Tu cites pas forcément les gens. Il y a plein de débat, fois, tu vois, mais je me dis, genre tu parles d'Obama, admettons, ils ont une autorité aussi grosse que celle d'Obama. Tu dis pas ouais le Renoir qui est la ouais, maison mais blanche, ils sont tu vois, tu dis Obama. C'est la même chose, ils ont des trucs un peu plus comment dire. Vous avez une street cred à tenir ? Non, mais Obama, c'est un président. Enfin, il a pas une identité aussi forte que quelqu'un qui a comme un monstre vert. Un monstre vert, il n'a pas 40 millions. Mais du un coup, mec avec un marteau. Justement, tu vois, genre, il y en a un, c'est Hulk, tu vois. C'est. Ouais, mais t'es pas forcément obligé de dire le nom à chaque fois. Ouais. Je sais pas si c'est pas un débat. C'est pas un débat, tu vois, mais pour moi, c'est un des petits défauts qui m'interroge. Je suis d'accord. Alors moi, je trouve au contraire que ça rajoute un petit côté, justement, street et beaucoup moins blockbuster. Ouais. Après tout, ça se passe à Harlem en plus, c'est assez communautariste. Peut-être, oui, bien sûr, qu'ils ont vu la news à CNN, mais c'est pas forcément après une population qui s'intéresse énormément à ce qui se passe autour. Je trouvais ça assez fun. Puis après, l'existence des Avengers est quand même en filigrane dans quasiment toute la série. Oui, ils en parlent et tout. Oui, plein de fois où ils disent le marteau de Thor et tout. Ouais, enfin, puis même par rapport à Luke Cage, lorsque le personnage bien sûr a des super pouvoirs lui aussi, et du coup on y renvoie souvent ce miroir. Il y a toute une histoire autour des vigilants, autour du fait qu'il y ait des. Mais gens après qui effectivement, oui, c'est pas nommé. Oui. Après, autre petite incohérence. Ça, c'est. Je parle du MCU en général. Ouais, vas-y. Agent of Shield, il y a tout un entre guillemets une traque aux mecs qui ont des super pouvoirs. Ouais, là on les voit pas. Et là. On les voit pas du tout de la série fin. Ouais, mais parce qu'ils sont pas forcément dans New York et tout, ils sont plus je sais pas. Oh là, c'est peut-être plus des contraintes de production. Hein. Ouais, oui, voilà, après c'est juste du chipotage. Après c'est vrai que après pourrait... tu vas pas râler, enfin Non, je râle pas, mais c'est des petites entre guillemets grains de sable, tu vois, qui viennent dans le. Ouais, mais tu es en train de poser ça comme un désavantage à la série, alors que dans Iron Man, tu vas pas dire oh putain, il a pas parlé de Thor ou de Hulk. Bah après, moi c'est mon, enfin, on est en train de glisser sur la MCU, mais c'est un des défauts du MCU. Quand tu lis un comics, si je vais Spider-Man, il est pas tout le temps en train de parler de. On continue. D'accord. Juste pour finir là-dessus, pour ceux qui se poseraient la question de ce que fait Thor pendant Civil War. Parce qu'effectivement, le perso ouais, de Thor, il y a une vidéo de Chris Hemsworth qui est très très drôle sur le net où on s'aperçoit qu'en fait il glandouille avec un mec en Australie et c'est le vrai acteur qui joue, qui a répondu à la question qu'est-ce qu'il faisait pendant Civil War. Allez le voir, ça dure 5-10 minutes peut-être, c'est très très très drôle. Et bah, comme t'avais la parole, on va passer à la réelle. Tu veux nous donner un petit avis sur la réelle de cette. La réalisation, alors c'est toujours compliqué quand tu parles de réalisation dans une série télé parce qu'il y a plusieurs, plusieurs réalisateurs qui vont se succéder. Là, donc moi j'ai fini la série hier matin. Bien malin, si je me rappelle un épisode qui m'a le plus sorti en termes de réalisation, c'est vraiment très homogène. En général, on entend plutôt tendance à regarder le showrunner. Et là, le showrunner, c'est la personne qui chapeaute un peu tout le projet. Je sais même plus son nom. Le showrunner, je l'ai noté parce qu'il est pas évident, c'est Cheo Odari Coker. Ok. Qui est d'habitude des scénaristes, qui a pas fait énormément de choses, qui a fait un petit peu d'NCIS, qui a scénarisé le film Notorious Big, okay. Qui est peut-être le lien hip-hop avec Luke Cage. Il est bien ce film ? Quelqu'un l'a vu ? Non. Il a caution cinéma probablement. Voilà, caution cinéma. Il le dira devant sa radio. Et donc la réalisation est quand même très Netflix, je trouve ça. On retrouve, alors peut-être que c'est des questions de production aussi, ils n'ont pas les moyens d'un grand film. T'as pas de grand angle, t'as pas de gros travelling, c'est souvent des plans assez simples, gros plan, plan moyen. Pourtant, le budget est quand même assez élevé. Hein. Enfin, oui, le niveau de production est très très très correct. Et quand même, enfin, c'est à peu près $1 million par épisode. Mais il n'y a pas de plan séquence comme il va y avoir dans Daredevil où t'avais vraiment un plan séquence. Après, Daredevil, c'est peut-être le point exceptionnel. Après, Daredevil, c'est ça, c'est un peu le fer de lance. Genre, pour la saison 1, c'était 1 million par épisode, donc 13 millions au global. Et après, la deuxième saison, ils sont montés un petit peu plus entre guillemets dans le budget, ils ont fait des gros chèques et on est un peu plus vers 15-16 millions pour 13 épisodes. Après, on en parlait un peu entre nous avant l'émission, mais c'est pas une série que vous allez regarder pour l'action. C'est une série qui est plus intéressante par son intrigue. C'est une origin story. Et par son. Ouais. Et c'est pas les scènes d'action qui vont être époustouflantes. Ou... Comme Daredevil, où vraiment les combats étaient géniaux. Ils sont un petit peu limités par le personnage qui est complètement imparable au bal. Donc c'est pas évident. Il a ses 2-3 scènes, bien sûr, hein, entre guillemets, pour les fans. Il souffre du même défaut que Superman, en fait. Que c'est difficile de représenter Superman dans. Mais il y a un moment dans la série où tu coup, je sais pas si tu vas continuer à regarder, tu nous diras en conclusion, garde-le pour tout à l'heure. Il y a un moment dans la série où on commence à avoir un peu plus de tension envers lui parce qu'ils arrivent à trouver un petit truc qui fait que... Oui, oui, après il s'est fait partie des comics, donc il y a la kryptonite de Superman, il faut à un moment donné trouver quelque chose. Ils ont trouvé le truc qui... voilà. Et ce qui est assez symbolique, je trouve, dans la réal, c'est Harlem, justement. Alors comme on disait tout à l'heure, Harlem est vraiment bien représenté, notamment les rapports qu'il peut y avoir entre les personnages où on se rend compte qu'ils se connaissent tous quand même, les parents se connaissaient, les grands-parents se connaissaient. Enfin, moi, c'est un petit village en fait. Ouais, mais du coup, il y a vraiment une ambiance, une unité de lieu assez réduite que je trouve très intéressante. Par contre, en termes de manière de filmer, je trouve ça très artificiel, c'est-à-dire que tu vas alterner des plans, voilà, le salon de coiffure de Pop, après la planque du méchant, tel truc, tu vas pas tant que ça partir dans la rue. C'est, voilà, je trouve ça assez mécanique. Trop cher, bah, alors, je me posais la question, est-ce que c'était ça, ou est-ce que, encore une fois, ça m'a vraiment rappelé la manière de réaliser de Jessica Jones et de Daredevil. Est-ce qu'ils veulent pas faire une espèce de pâte homogène, Netflix, assez moi j'aime bien leur réalisation. Oui, après c'est pas forcément une critique, c'est juste que c'est vraiment basique, simple, efficace. Par contre, ouais, bah oui. Plan contre plan, paf, sans envoi direct. La photo est cool, il y a par côté... contre, ouais, j'allais y venir. Le comment on en parlait entre nous aussi, puis je crois qu'on en a parlé la semaine dernière aussi. Il aurait fallu qu'ils trouvent un angle pour se démarquer un peu du reste de la production Netflix. Mais ils l'ont trouvé. Ah oui, ils l'ont trouvé, comme disait James en intro, c'est à fond black exploitation. La photographie est magnifique, c'est des couleurs chaudes, c'est des couleurs, il y a beaucoup de jaune, beaucoup d'ocre, beaucoup de rouge. Alors d'accord, on voit des smartphones et on sait que c'est dans la continuité des autres séries, mais mine de rien, on a vraiment l'impression des années 70. Ouais, tu pourrais presque te dire que c'est intemporel. Tellement il y a cette ambiance qui est survitaminée, enfin qui est augmentée par la musique, ou bon là c'est funk. La musique, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait on écoute le générique depuis tout à l'heure. Ouais, ça peut paraître un peu bourrin parce qu'effectivement ils y sont allés. Mais il y a pas trop de. Moi je pensais qu'il allait avoir beaucoup de hip hop et au final c'est beaucoup de funk. Ouais, c'est vraiment, moi encore une fois, c'est du Jackie Brown, peut-être sans le talent de Quentin Tarantino, faut pas déconner. Et alors du coup l'angle ils l'ont vraiment trouvé là. C'est le point positif, c'est vraiment l'ambiance, je trouve, qui est très black. Ouais. Et pour le coup, en plus, c'est peut-être des sujets un petit peu complexes en ce moment. Je les ai trouvés très subtils dans la manière d'aborder. Oui, ils sont très bien amenés. Ouais, c'est pas prise de parti. C'est pas, ils te montrent une certaine communauté. J'ai pas trouvé qu'il y ait des jugements. J'ai pas trouvé qu'ils en faisaient trop sur, qu'ils prenaient parti vraiment pour tel ou tel choix. C'est vraiment des personnages, leurs choix politiques, ce qu'ils veulent faire. Il y a vraiment un sous-texte politique qui est vraiment très. Ouais, très... c'est assez important. Oui, c'est vraiment ils important. Ils arrêtent pas de citer des activistes black. Ouais, c'est bien. J'ai pas cette culture, je connais pas trop ouais. Je reconnais, mais en fait ça te donne envie de dire ah putain merde, il y a lui qui a fait ça, genre le bâtiment qu'on voit à un moment, celui qu'on dans le trailer on a vu où il rentrait avec une portière et Crispus Attack, c'est un activiste noir très connu et c'est pendant toute la série ils arrêtent pas de parler de cette culture black ça te donne envie d'aller t'intéresser à ça. Ouais, là pour le coup il y a un vrai fond sociétal assez intéressant, et encore une fois c'était pas forcément facile à faire, peut-être en plus aux États-Unis à l'heure actuelle, et je les ai trouvés vraiment sobres mais vraiment efficaces là-dessus, et presque à la limite c'est peut-être le perso principal qui est pas forcément super mis en valeur. Parler vite fait du casting pendant qu'on y est, du coup. Enfin, donc le perso principal vous l'avez c'est Mike Altos. Ouais, j'ai pas noté, j'ai plus Mike Altos. Et du coup, moi je trouve que je me base sur mes deux épisodes et demi. Et il est pas super charismatique. Il est pas très expressif. Même sans être ça, j'attends pas d'un mec qui est Power Man qui met des coups de tête juste pour se faire respecter. Mais on le voit pas. Moi sur deux épisodes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages. Je retiens plus le coiffeur, je retiens plus la flic. Misty Knight, elle est très très très bien. Moi, ouais, j'ai vraiment adoré la. Je retiens plus le méchant. Le méchant, il est fou. Le premier méchant, il est génial. Merci du spoil. Voilà, hop. Genre où. Coupé, on peut pas. Genre dans Daredevil ou Jessica Jones, où vraiment. C'était vraiment un bras de fer. Là, j'ai l'impression qu'il y en a un qui joue aux cartes et l'autre qui fait des vrais trucs d'homme, tu vois. En fait, il y a un truc avec ces deux premiers épisodes posent vraiment une base pour le troisième. Et moi, je comprends pas comment t'as pu t'arrêter dans le troisième. Parce que je trouve vraiment que le troisième, il y a un truc qui se passe et ça change vraiment toute la série. et en fait ils ont posé plein de personnages et d'un coup Luke Cage arrive et Luke Cage doit se dire putain merde, il faut que je prenne, tu t'as vu plein de prises de position, t'as vu le méchant qui est en train de faire des trucs, sa cousine qui est en train de poser des trucs politiques, Pop, le mec qui tient son espèce de café, qui est un espèce de Suisse, ils arrêtent pas de l'appeler la Suisse, c'est un très, très grand frère dans le quartier, ouais, voilà, lui qui arrive dans le quartier, c'est Pascal, qui le grand frère de, voilà, Pascal, exactement, voilà. Et en fait il y a tous ces gens qui prennent des positions et Luke Cage pendant les deux premiers épisodes il est là en mode moi j'agis pas, je prends pas parti, je fais ma vie de mon côté et tout, et il arrive un truc au troisième épisode, ça change tout et Luke Cage doit prendre position et doit finalement devenir le protecteur d'Harlem. Ça, et par contre j'ai trouvé ça assez bien fait parce, ouais, que c'est un ultra classique, et c'est là où vraiment il prend toute sa tout, où il devient bon, le mec c'est pas un acteur génialissime, mais quand il commence à prendre ce côté protecteur d'Harlem, il le fait bien et c'est après le perso est pas mal écrit parce que encore, ouais, une fois le personnage qui a des super pouvoirs, qui veut qu'on laisse tranquille et compagnie, qui veut sa petite vie peinard et qui est obligé de s'impliquer, ça c'est un très très grand classique. Là pour le coup il révolutionne rien du tout, mais c'est relativement bien écrit, c'est assez crédible. Et après pour rebondir sur la vie de Tom qui n'est pas là, mais ça y fera plaisir, il faut quand même reconnaître qu'effectivement sur l'ensemble de la série ça reste aussi très très classique. On découvre, ouais, les personnages, on mais, découvre, ouais, la situation, il y a un espèce de flashback pour nous expliquer d'où vient le mec, il y a un moment donné où dans la série il est moins bien, il y a le méchant qui prend le dessus. Là-dessus, c'est quand même assez classique. Là, ouais, où c'est une construction de série classique, tu le vois, ouais, partout. Mais du coup, là, par contre, juste pour là où je les ai trouvés vraiment bons, c'est parce que moi j'ai trouvé qu'il y avait des mous dans Jessica Jones et Daredevil. Il y a un milieu de saison. Ouais, parfois, là, il n'y a pas vraiment de pic de tension. Non, ou... parce que j'arrive à jouer sur les personnages, alors secondaires pour le coup. Il y a des personnages qui sont très importants au début, qui le sont beaucoup moins après, voire qui disparaissent. Il y en a d'autres qu'on découvre et qui arrivent après en milieu de saison. Et ils arrivent pas mal à jouer sur l'environnement autour de Luke Cage. Et pour le coup, l'intérêt n'a pas forcément de perte à un moment donné, même si t'en as certains qui sont meilleurs que d'autres. Et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'ils ont un peu appris de ce que faisaient. Et justement, tu vois, pour rebondir à ce que tu disais. Après, on va conclure. Moi, là où je trouvais que la respiration de Daredevil était nécessaire, là, la respiration pour moi est au début. Enfin, on s'ennuie genre à la fin de l'épisode. Ces deux premiers épisodes, ils ont vraiment. Moi, je trouve qu'ils sont. Ils manquent de rythme. C'est moins intense. Avec Daredevil, genre le premier épisode de Daredevil, c'est le combat sous la pluie avec le ninja. Ouais. Et genre, on les a regardés ensemble. Oui. On était scotchés. Ouais. Et on s'est dit, on a pris une claque. Il y a pas la même tension. C'est vraiment. C'est moins intense que. C'est ça. Et Jessica Jones, je l'ai regardé. Je l'ai pas regardé avec toi. Je l'ai regardé tout seul. Et à la fin de Jessica Jones, il y a un passage dans l'ascenseur et j'ai repris l'autre gifle. J'ai fait deux séries, j'ai pris deux allers-retours que là, à la fin de l'épisode 2, je me suis dit bon ben. Est-ce que pour conclure vite fait toi, est-ce que tu vas quand même continuer à regarder la fin? Moi, je vais continuer parce que j'ai pas peut-être envie de passer à côté de quelque chose qui va s'allumer à l'épisode 7 et qui va devenir fou. Mais ça serait moi maintenant. J'arrête. La fin d'épisode 2 me suffit à me dire que c'est pas ma cam. Okay. Regardé après, sans vouloir faire de spoiler, un truc qui éclate à un moment donné. Je vais pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais pas vraiment. Moi, j'ai même tendance, après l'avoir vu en entier, à préférer la première partie. Ouais. Parce qu'il y a certains personnages qui sont. Plus... Il y a deux arcs. Il y a un arc où le personnage dont on a parlé, le méchant, dont j'ai oublié le nom, et Cottonmouth. Ouais, voilà, oui, non, mais l'acteur qui était dans l'enquête Pikachu, qui lui est génial, lui est vraiment ouf. Il est très bon. Et lui. En fait, il y a tout un premier arc qui se base pratiquement sur lui. Et après, il y a un deuxième arc qui est un peu moins bien, avec un autre méchant qui est vraiment caricatural. Oui, et qui pour le coup, pas. C'est cliché. Ouais, en tout cas, tout le premier arc est vraiment génial. Moi, je sais que Daredevil, on l'avait regardé ensemble, mais on l'avait pas regardé en entier. Et j'ai regardé la semaine dernière, il y a deux semaines, la fin. Et j'avais quand même fait une pause et ça m'avait pas gêné de pas continuer. Là vraiment j'ai eu envie de regarder tout de suite et je pense que je conseille vraiment je conseille vraiment la série. Ouais, alors pour moi c'est pas la meilleure des quatre. Moi je pense que c'est une des préférées que des quatre. À mon avis, je pense que c'est simple. Si vous arrivez à capter l'ambiance, parce qu'encore une fois, là pour le coup, elle se diffère vachement des autres par rapport, ouais, à l'ambiance qu'il y a. Si vous êtes dans l'ambiance, allez-y, vous allez vous régaler parce que l'ambiance. Si vous aimez la soul, si vous aimez ce. Voilà, genre de l'ambiance est identique, encore une fois, du début à la fin. Si vous êtes plus super-héros, Daredevil, ouais, peut-être moins quand même. C'est pas sans être super-héros, mais si. Ça vous dérange pas qu'il y ait quelque chose qui prenne son temps et que vous venez pas voir une série de super-héros pour voir un mec qui défonce du monde? c'est pour vous. Là, si... Voilà, c'est quand même moins punchy, moins intense et même moins psychologique que Jessica Jones. C'est un peu plus plan-plan. Ok, et bien on va passer à la deuxième pause musicale et on va écouter Mesmerize de Faith Evans. Now let me holler at you for a minute, 'cause I just got something that I need to say. You ever heard about that thing? I mean that real thing. I mean sometimes when you just can't even sleep, you can't think, you just lose yourself wrapped all up in it. Baby, you got me mesmerized. Let me sing it for you. You don't know what you do to me. Let me tell you how you make me feel. I need your loving. It's so good to me. I can't even sleep. Boy, you got me weak. My heart is on fire since you put that thing on me. You put that thing on me. That thing, baby. Ooh, baby, baby, baby, baby, mesmerize. One, two, three, four, hit. Et c'était Faith Evans avec Mesmerized. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier sur le 102.2 de la bande FM. Et c'est toujours Comics Discovery. On a fini d'écouter, de vous parler de Luke Cage. Et on va passer à nos attentes, nos coups de cœur pour ce mois d'octobre qui s'annonce. C'est plouf, plouf, ça plouf, sera plouf. À toi. C'est Max qui va commencer. Du coup, on repart dans la vraiment sphère comics pure et dure. Et je vais vous parler des... tu m'as mis le stress, tu vois. T'as le suspense. Ouais, vous m'avez regardé. Voilà. Demain, sortent, entre guillemets, les gros recueils de chez Panini. Ils sont au nombre de deux. Ah, les omnibus, là. Voilà. Merci, James. Excuse-moi. Du coup, il y a deux omnibus qui sort demain, si vous dites mais qu'est-ce que c'est qu'un omnibus, c'est un recueil. En fait, c'est un. Imaginez un énorme, un énorme recueil. Imaginez de, un pavé. Voilà, de 700 pages qui suit tout un arc du héros comme on le faisait avant dans les années 2000. Mais tu vas acheter ça? Il est livré demain. Oh putain, mon dieu. Et du coup, j'ai. Mais j'en ai trois à la maison. Cette année sort le Wolverine de Jason Aaron. C'est ça, c'est Jason Aaron. Oui, Jason Aaron. Et celui que j'ai acheté aussi. Sort... Ah, le l'Ultimate Spider-Man. L'Ultimate Spider-Man de Sarah Pichelli et Brian Michael Bendis. Qui sort demain. Donc, si vous avez 70 euros à perdre. Vous savez quoi 70 faire 70 euros, putain. Ouais, après, en général, il y a la matière. Mais du coup, quand c'est, même. C'est tout Ultimate Spider-Man. C'est tout son Ultimate Spider-Man. Mais t'aimes pas Ultimate Spider-Man? Ah, mais deux Sarah Pichelli. Deux Sarah Pichelli. Mais du coup, elle l'a pas fait depuis le début du. Non, mais c'est son. C'est... Oui, mais avec. Il y a combien de titres, du coup? Tu l'as dit, mais je sais pas. Il y a 672 pages, donc tu divises par 24 et t'as ton nombre de pages. Ok. Ton nombre de numéros. Tu peux pas le faire de tête, tu es comptable. Alors, attends, je fais marcher mon cerveau. En fait, il a pris sa. Il y a 29 numéros. Ah, d'accord. Ça fait cher pour 29 numéros quand même, je crois. Enfin, et du coup, pour le. En plus, c'est super chiant à lire. J'étais pas trop motivé à l'acheter. J'étais là. Oh. Tu t'es fait hyper. Donc, je me suis fait hyper par un certain youtubeur. Et puis, il faut savoir que les omnibus sont des objets qui prennent de la valeur. Ah qui, ouais qui sont vite dévalisés chez votre libraire. Ils en sortent pas beaucoup en général. Ils en sortent pas. Enfin, là, ils ont. Pour Ultimate Spider-Man, ils ont. Panini a annoncé qu'ils avaient doublé les impressions hein, comparé à d'habitude. Mais c'est la VF, c'est une truc de VF. Voilà, c'est en VF. Et c'est des objets qui prennent de la valeur suivant les arcs que c'est. Genre, un run qui était pas super bien critiqué, enfin, tu me dis ce que t'en penses, qui était Bataille de Namor ou Retour de Namor d'Avengers. Pas lu. Enfin, bref. Avengers, ouais. Ah, mais j'ai des trous. Hein. Voilà. Et du coup, genre. Prévenez quand c'est comme ça, je lis la veille. Hein. Voilà. Et donc, il est pas. Un omnibus en plus, ouais, la nuit. Il a pas super bonne réputation et il cote dans les 130-150 euros. Donc, même un petit truc pas super, vous doublez la mise. Ça peut être bien. Si alors, juste en fait, c'est un investissement. C'est pas... un investissement. Voilà. Juste pour petite définition, donc en comics, un arc, c'est une histoire. Entre guillemets complète, ce qui fait peut-être entre en moyenne 6 numéros US, donc 6 fois 24 pages. De nos jours, tu vois. Voilà. Et un run, c'est. Pour le coup, un run, c'est vachement plus grand. C'est toute la création, toute le. C'est quasi. Enfin, c'est en général. L'équipe créative qui reste. L'équipe créative va rester plusieurs années sur un titre. La semaine dernière, on parlait de Snyder et de Capullo sur Batman qui sont restés 5 ou 6 ans. Là, pour le coup, quand vous prenez l'œuvre complète, on appelle ça un run. Ouais. Et en général, ils aiment bien faire des grosses éditions après. Qui coûtent une blinde, mais qui font c'est super cool, bien. Dans un omnibus de Capullo et Snyder. Oh, bah, à mon avis, c'est prévu. Mais j'en ai jamais eu entre les mains, j'en ai jamais lu, mais ça a l'air très, très, très, très, très lourd. Ouais, et moi très, les comics lourds, c'est chiant. Parce que, genre, le Planétaire qui est sorti il y a pas très longtemps, j'ai commencé à le lire, c'est qu'il fait bien 400. 372 pages. Ouais, voilà, bien que c'est 400 pages, c'est chiant à lire, on est d'accord. Muscle-toi les mains. Ouais, voilà. C'est presque plus un objet de collection que. Ouais. Ouais, c'est surtout ça. Qu'est-ce que c'est ton attente Alors, moi, je vais vous parler comics aussi. Je vais vous parler d'un comic qui s'appelle Trees, Arbre, en anglais, qui est scénarisé par Warren Ellis, qui est un scénariste britannique aussi. C'est un vétéran des comics. En général, il est connu pour des titres un peu violents, même pas mal violents, assez glauques, assez sombres. Il est pas mal barré comme mec. Ouais, bon, c'est un peu. Il est assez fou en général. Hein. Ouais. Il aime bien partir complètement à l'opposé de ce qu'il est censé faire, notamment un super-héros. Et alors pour Trees, pour le coup, c'est un peu différent. Donc le tome 2 sort à la fin du mois. Et le pitch... En VO. En VF. En VF, VF. Oh, cool. Et, chez Urban Comics. Chez Urban Comics. Et voilà, caution éditeur. Et le pitch, rapidement, c'est des aliens qui arrivent sur Terre, qui prennent la forme d'énormes arbres, d'où le nom du comics, j'imagine. Et si ce n'est qu'il n'y a absolument aucun rapport avec l'humanité, il n'y a aucun lien, aucune communication. Et le comics commence quelques années plus tard, où en fait l'humanité a continué à vivre avec ces espèces d'énormes entités. Et ils n'ont pas de rapport avec... Enfin, absolument, ils ont pas de relation, le seul rapport qu'il y a, c'est que de temps en temps, il y a des orifices qui s'ouvrent dans ces arbres géants, il y a une espèce de liquide particulièrement toxique qui sort. Donc en gros, on peut envie de dire qu'ils enlèvent leurs déchets, en gros, quoi. Et donc le premier volume, c'est une galerie de personnages d'univers très, très variés, de cultures très variées, d'âges très variés. Et via ces personnages, on voit un peu comment l'humanité vit avec ces espèces de nouvelles donnes qui changent même la géopolitique internationale, qui changent même le paysage de la Terre, parce que je crois qu'ils s'encroûtent vraiment dans la croûte terrestre. Et du coup, c'est plus une galerie de personnages, mais à la fin du premier volume, il y a une équipe scientifique qui font une espèce de découverte assez exceptionnelle sur les arbres, ça s'arrête là. Okay. Et donc le tome 2 sort à la fin du mois. C'est très intriguant, c'est dessiné par Jason Howard, que j'aime beaucoup parce que le type alterne souvent des cases très simples, un personnage qui va dire une phrase, avec des cases un peu plus détaillées sur des paysages, et pour le coup ça se lit très facilement. Et c'est sorti, très tu l'as dit, mais c'est sorti chez qui aux États-Unis? C'est Image. Ok. C'est Image. Et ben moi je vais vous parler de cinéma, et c'est un film qui sort cette semaine je crois, c'est Miss Peregrine, et je crois qu'il y a un autre... Les enfants, je sais pas quoi. Et Les enfants, ouais. Extraordinaires. Ouais, et les enfants extraordinaires. Et donc c'est une espèce de team de super-héros mais avec des enfants, à la sauce Tim Burton, puisque c'est Monsieur Tim Burton qui réalise, et moi ça me hype beaucoup, la bande-annonce me donne très très très très envie. Il y a d'assez bons retours a priori, parce que Burton c'était quand même moins bon ces derniers temps. Son dernier film est génial. Big Eyes, c'est vraiment cool. Oui, Big Eyes, oui. C'est un petit peu. T'as pas l'air d'accord, Maxime? Je n'ai pas vu. Ah, d'accord. Tu sais, la moue, juste comme ça, par principe. Ouais, moi, ça me hype beaucoup, Miss Peregrine. Donc, je pense que j'irai. Il y a Eva Green en perso principal. En général, je trouve que non seulement elle joue bien, mais elle fait des bons choix. On reparle de 302. Oh, mais elle était toute nue, donc ça suffit. Oui, voilà. Ah, oui, de toute façon, elle a sa caution scène d'une dans chaque truc. Et puis 300, c'est un film d'animation. Moi, 302, j'ai vraiment pas du tout aimé. Donc, en tout cas, Miss Peregrine et les orphelins, truc machin, enfin, c'est une chronique vachement préparée. Moi, ça m'a hypé beaucoup, ça a l'air super cool. Et on va conclure sur ça. Est-ce que je peux rappeler où on vous retrouve? Tu n'as pas de Twitter, donc on peut pas. Non, je suis le temple, n'a pas de Twitter. Faut venir le voir chez lui. Et est-ce que je rappelle ton Twitter pour si les gens veulent venir te follow et discuter avec toi? Oui, on parlera beaucoup de Power Rangers. Donc, c'est, c'est @darklizil. C'est ça. Moi, vous pouvez me retrouver sur l'Amicale du Geek et sur l'Amicale du Geek, une chaîne YouTube, je le rappelle. Et sur Twitter, c'est JamesADGMTP. Il faut que je change de Twitter, il est vraiment trop. Vous pourrez retrouver l'émission sur tous les réseaux sociaux, Instagram à Comics Discovery, Facebook Comics Discovery et Twitter aussi, Comics Discovery. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. On vous fait des bisous et voilà. Puis bye bye. Merci, merci à Radio Campus Montpellier de nous avoir invités. Merci beaucoup et merci à Arnaud qui fait la technique. C'est vraiment cool de sa part. Il fait un travail super cool. À bientôt. À bientôt, à la prochaine. Allez, bye bye.